Bonjour, nous sommes les Kizikous, le groupe aîné de Clermont-Ferrand des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Cette année, nous avons pour projet d'aller à la rencontre du peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, afin de découvrir leur culture et de mieux comprendre les enjeux environnementaux et politiques auxquels ils font face. Des enjeux comme le racisme, le colonialisme ou encore le réchauffement climatique et les concurrences territoriales entre les industries minières et forestières et l'élevage de rennes. Pour préparer notre projet, nous avons eu la chance d'échanger avec Marie Roué, directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste française du peuple Sami. L'équipe l'a interviewée et vous allez pouvoir profiter de cette interview en plusieurs épisodes. Bon visionnage! Ont-ils une religion commune, enfin, ou majoritaire, et si oui, laquelle? On pourrait dire qu'ils sont protestants, puisque c'est les protestants qui les ont christianisés. Mais comme beaucoup de peuples, ils ont été empêchés de pratiquer le chamanisme, leurs tambours et leurs chamans ont parfois été brûlés. Mais il reste des représentations du monde, des visions du monde qui très visiblement sont inscrites dans leur ancienne culture. Comme beaucoup de peuples qui n'ont pas pu continuer à pratiquer leur première religion, une religion c'est aussi une façon d'être, une vision du monde. Et dans la vision du monde, dans les rapports aux animaux, dans les rapports aux rennes, on voit beaucoup de faits qui continuent à avoir pu exister parce que certainement ils étaient moins directement réprimés que ce qui était clairement de la religion et des pratiques.